Phoenix. Derrière un vent d'automne, quatre saisons avant l'album. Ouais, ça finit. Tout commence par une romance en quatre saisons. Dans cette plaine de passion, orange et l'horizon. En ce temps de jours de pluie, ma lune m'inspire. Je respire l'état morose de l'automne. Peu à peu, mon royaume en devient monotone. Mon esprit est une éponge boueuse et figée, parsemée de silhouettes d'arbres érigés. Étrange est ce carnaval qui se met en spectacle. Le ciel écrit comme l'état de mon inspiration. J'ai perdu ces flammes dans mon illumination. Je sens que tout s'éteint devant ce sinistre tableau. Tout cela me rappelle le temps où on a levé le voile sur mon berceau. Chaque mot, chaque phrase s'effiloche telle une feuille morte. J'ai peur de ces feuilles blanches qui ligne après ligne m'emportent. Je cherche un point d'ancrage car je sens que mon esprit fait naufrage. Comment faire face à ce ciel parsemé de nuages glaciales? Et mon état mental comme le laisse seul de l'automne. Juste un bruit de fond, le battement de mon cœur qui résonne. Je suis cet arbre qui vient de perdre son manteau doré. Mise à nu, je sens que mon âme de poète vient de se briser. Du fond de mon paysage, je tremble de terreur. Trop d'idées délétères qui trottent dans ma tête me font horreur. Comment faire face à ces saisons qui font perdre la raison? Comment faire face au temps et à son érosion? Je n'ai pas de point de départ ni d'arrivée. J'écoute le murmure de l'obscurité. Je pleure quand on oublie la douleur. Je pleure quand on oublie la douleur. Je n'ai pas de point de départ ni d'arrivée. J'écoute le murmure de l'obscurité. Je pleure. Je sens ce froid d'automne. Je pleure. Je sens ce froid d'automne. Du sang s'écoule de la lune telle une plaie béante. Et toujours ces pensées qui chaque jour me hantent. La nuit arrive avec son triste cortège, emmenant avec elle une voix qui se désintègre. Perdu dans mes envies, le temps s'est comme figé. À force je me suis trop écarté de l'étoile de la clarté. Précarité dans l'esprit, je n'arrive plus à réfléchir. Et voilà que ma plume se met à périr. Je me suis perdu dans les ténèbres des saisons. Jusqu'à en perdre toute ma raison. Mon angle coule plus, est-ce une remise en question? Tel samouraï, il faut que je batte en retraite. Il faut que je retrouve cette passion aux mille horizons. Celle qui me disait de vivre chaque chose à fond. Retrouver toutes ces contrées qui jadis écroitaient. C'est reculer pour enfin mieux sauter. Je n'ai pas de point de départ ni d'arrivée. J'écoute le murmure de l'obscurité. Je pleure quand on oublie la douleur. Je pleure comme on oublie la douleur. Je n'ai pas de point de départ ni d'arrivée. J'écoute le murmure de l'obscurité. Je pleure. Je sens ce froid d'automne. Je pleure. Je sens ce froid d'automne.